Douleur et peine, douleur et peine. Billet violet, nique sa mère, la juge d'application des peines. Mon stylo saigne, je suis en écoute chez les RG. Et si j'ai suivi le troupeau, c'est pour exécuter le berger. Les langages sont codés, codés. Les petits vents de la CC aux grands frères qui font des OD. On traîne dans les couloirs, les tribunaux sont bien colorés. Ouais, tu me fous là-bas, mais la coke reste ta prison dorée. On avait que des miettes, que des tabous, les picorés. Quand le drame arrive, les keufs sont là pour décorer. Ouais, la vie est dure, avec ou sans gingembre. J'danse le chili-li, j'fais ma peine sur une jambe. Fouini, babe. Mévaté. Combien de fois j'ai voulu scier ses barreaux. Mévaté. La solitude allongée seule dans ce fourneau. Mévaté. Les saisons passent de froid glacé mes carreaux. Mévaté. De cette tristesse à huis clos. Mévader. Au début on m'écrivait, avec le temps on m'oubliait. J'descends du parloir, pareil que ton frère est en Géhave. Amnésie devant le juge, les poucaves et les vrais savent. Fouini babe, écrit de mon sang dans leur mitard. J'ai toujours été personne, rien à foutre d'être une star. Tu veux qu'on parle de nous, ma vie n'est pas un poème. Pas besoin de parler d'amour, l'amour parle de lui-même. Pas une lettre, pas un mandat, mais sans rancune. Les juges n'aiment pas les dealers, mais les avocats aiment leur thune. Ce soir je m'endors en rêvant d'être ailleurs. Ils ouvrent des magnums pendant que j'étais jeune. Du pain et du beurre, Fouini paye. Mévaté. Combien de fois j'ai voulu scier ses barreaux. Mévaté. La solitude allongée seule dans ce fourneau. Mévaté. Les saisons passent de froid glacé mes carreaux. Mévaté. Maman sèche tes larmes. Je sais que j'ai construit de mes propres mains cette galère dans laquelle on rame. Encore un mois sans la télé. Les courriers se font rares comme les pointeurs qu'on a mêlés. Forfait néo, on s'endort au portable. Je pense à l'avenir mais je sais que la poisse m'attend devant le portail. Promis bébé, à ma sortie je ferai des efforts. Et tes courriers je ne les lis plus, je les dévore. Au square les gens ne dorment que d'un œil, car avec l'autre ils te portent l'œil. Le paraître, j'ai jamais été libre. La prison c'est dans la tête. Mévaté. Combien de fois j'ai voulu scier ses barreaux. Mévaté. La solitude allongée seule dans ce fourneau. Mévaté. Les saisons passent de froid glacé mes carreaux. Mévaté. De cette tristesse à huis clos. Mévaté. Mâchoire, go, Kraouche, cherche up. Mévaté. Adama, Abou, Dédé, Mara, yeah. Mévaté. Bois d'Arcy, Oni, Nanterre, Fleury, les Baumettes. Mévaté. Yeah, Nord, Sud, Est, Ouest, oui.